Bah les rappeurs qui rêvent de percer, ils veulent foutre le mort mais ils ont peur de clamser. J'ai le flow pas pour verser, ma gueule j'ai brisé. A force de sucer mon flow, j'ai la couille gercée. Je préfère une meuf halal que des sales amis. Quoique les meufs halal peuvent faire les cartes soumis. J'arrive glacial, appelle-moi l'arsenic. J'ai le flow qui est partout comme arsenic. J'ai le flow partout, appelle-moi lyrical, parabolique. J'ai toujours du lourd moi, je suis pas diététique. On chie sur les acédiques, je ne suis pas amnésique. Mais au plus haut niveau, je vais ramener mes zik. Pas de concours avec l'instru, je tape la converse-verse. Tu crèves au pire si tu me testes. Je traverse les ouragans mais tu n'es qu'une averse-verse. Parce que les meufs parlent plus qu'elles ne baissent-baissent. Je rappe pour le 9 en 9, 2, 9, 3, 9, 4, 7, 7, 7, 8, 7, 5 et tous les ennemis. C'est pas un clash mais la seule scène que t'as fait s'appelle la scène Saint-Denis. Tu fais le mec, bibi bibi, t'es fou, t'es mimi mimi. J'me barre sur tes sons comme si tu faisais des guili guili. J'me touche les couilles comme des bili bili. J'arrête sur ces mesures, j'suis easy easy.